Lundi 8 octobre, 16h, en attendant Godot. Ce matin j'ai rendez-vous au point d'accès au droit. Drôle de nom, on peut l'interpréter au moins de deux manières. Comme un lieu, un point de rendez-vous, ou bien, lorsqu'on est l'esprit plus torturé, point d'accès, peut signifier aussi pas d'accès du tout. À bien y réfléchir, j'opte pour la deuxième acception, point de salut au Beaumet. J'ai rendez-vous à 9h30, je serai reçu à 12h30. 3 heures d'attente pour à peine un quart d'heure d'entretien, même pas. Et pour une fois, je suis parti bien à l'heure. Le surveillant m'a ouvert sans retard. Mais voilà, c'est un autre, en bas qui m'a enfermé, et m'a oublié. Alors, il m'a fallu attendre. Bah, la prison, c'est comme la pêche à la ligne, une affaire de patience. Le bureau du point d'accès au droit se situe au rez-de-chaussée, dans le long passage qui relie par-dessous les cours, le bâtiment A, aux autres bâtiments. C'est aussi là que sont les bureaux du SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, juste à côté du petit local du vestiaire indigent, où l'on m'avait habillé, il y a un mois de cela. Quand j'arrive, je vois que dans son petit bureau vitré, la conseillère est déjà en entretien. Devant il y a aussi un autre détenu qui est en son tour, debout dans le grand couloir. Soit, j'attendrai en sa compagnie. Nous engageons la conversation très rituellement. Je lui demande s'il a une cigarette. Je ne sais pas dans quel quartier il vit, et je préfère m'en tenir aux usages en vigueur. Bien sûr de cigarettes, il n'en a pas, ou, s'il en a, il ne m'enfilera pas. Mais la question c'était pour le principe. Comme quand on vous demande comment ça va, et qu'on passe à autre chose sans attendre précisément de réponse. Est-ce que t'as une cigarette, en prison, c'est comme se dire bonjour. Bonjour ici, d'ailleurs, c'est presque ridicule. On a à peine commencé à rien nous dire qu'un grand maton, un noir large comme une armoire normande, arrive et me cueille en passant. Il m'a reconnu. Il sait que je suis du deuxième nord. Il ne me laissera pas attendre dehors, dans le passage à l'air libre, en liberté. Il me fait signe de le suivre, et il m'escorte quelques mètres plus loin jusqu'à une cellule d'attente où il me boucle. C'est une cellule destinée aux isolés. C'est là qu'on nous enferme afin de nous faire patienter à l'écart. À l'intérieur, il y a déjà du monde. Du monde que je connais. Je retrouve Jean-Marie Lé, à Boule River. Tiens, je ne savais même pas que Jean-Marie, en plus de ses activités, avait un rendez-vous ici ce matin. Parfois, il ne me dit pas tout. Il vient pour rencontrer un conseiller de Pôle emploi, me dit-il. Il pense déjà à sa future réinsertion. Jean-Marie est vraiment un garçon prévoyant. Il désire se renseigner sur les formations prises en charge pour les chômeurs en prison. Il me demande si je sais ce qu'est le DIF, le droit individuel à la formation. Est-ce qu'un détenu peut y prétendre? Je n'en ai aucune idée. Abou est là aussi que je retrouve. Abou le rêveur que je n'ai plus vu en promenade depuis un bon moment. C'est vrai que les dernières fois dans la cour, il s'est fait beaucoup alpaguer, toujours pour des histoires de tabac. Lui, pour de bon, il s'est fait racketter, et je comprends qu'il n'ait plus trop envie de descendre. Il a suivi mon conseil. Il s'est acheté une rouleuse. Il me sort l'instrument de sa poche. Mais il ne sait pas s'en servir, m'avoue-t-il avec un doux sourire. Qu'à cela ne tienne. Ici nous avons tout le temps que je lui montre. De son côté, Jean-Marie a décidé, comme il le fait souvent en cellule, ou quand on le place dans une salle d'attente, de faire de l'exercice. Il profite de cet étroit espace pour pouvoir marcher, marcher à un rythme rapide de long en large. Jean-Marie marche, en cellule comme d'autres feraient du vélo d'appartement. Voilà bien une idée ingénieuse, l'administration pénitentiaire pourrait installer des vélos d'appartement dans les cellules d'attente. Des vélos qui feraient tourner des dynamos, et qui alimenteraient les baumettes. Comme dans un underground. Voilà une idée à creuser, vu tout le temps qu'on passe à attendre dans ce grand donjon. En plus, on pourrait faire du sport. La cellule d'attente où on nous a bouclé est très particulière. Elle est posée directement sur des escaliers qui rattrapent les niveaux entre les bâtiments. Une série de 8 ou 10 marches qui va d'un mur à l'autre. Une cellule en accordéon en quelque sorte. Les marches nous servent de banquette. Jean-Marie commence à monter et à descendre et à monter, dans un sens et dans l'autre. Heureusement que je le connais, autrement je dirais qu'il est fou. Je ne le regarde même pas. Il risquerait de me donner le tournis. En prison, chacun fait du sport comme il peut. Il est un animal en cage. Abou et moi aussi d'ailleurs. Mais nous, nous sommes bien plus tranquilles. Abou est pareil à lui-même. Un calme qui confine à l'apathie. Il a rendez-vous au SPIP, pour des questions de remise de peine supplémentaire. Je lui demande s'il pense savoir ce qui lui sera accordé. Il n'en a aucune idée. Normalement, il est libérable en décembre, peut-être même avant. Il est suivi au SMPR, et cela doit lui assurer, me dit-il, des jours de grâce supplémentaires. Ça fait plus d'un an qu'il est détenu ici. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il est comme s'il venait de débarquer. Comme s'il sortait à peine du quartier des arrivants. La prison lui glisse sur la peau, comme si elle ne devait jamais l'altérer. Je doute qu'il tire quelques leçons, pour lui-même de ce passage au Baumet. J'ai l'impression, en à peine un mois, d'être devenu plus renard que lui dans ce poulailler. Plus rusé aussi. À bout, décidément, et toujours comme s'il était ailleurs. Ici et ailleurs en même temps. Sa douceur autant que sa lenteur l'auront sauvegardé, j'espère, de toute la crasse qui s'y en accumule. Et peut-être c'est mieux ainsi. Dehors, quand il sortira, il aurait moins de choses à devoir oublier. J'essaie plusieurs fois de lui montrer le fonctionnement de la rouleuse. Au bout d'un moment, je perds courage et je renonce. Ça le dépasse, et ça me dépasse aussi. À tout prendre, il vaut mieux que je lui roule ses cigarettes. Il me tend son paquet de tabac, qu'il a pris avec lui. Je roule, je roule, je roule. Décidément, à bout, je l'aime bien. Il est, ou a choisi d'être éternellement pas là. Il attend sa libération comme d'autres, ailleurs attendent Godot. La cellule d'attente où nous patientons est fermée par une grille, qui donne directement sur le couloir. Il n'y a pas ici de porte en bois comme au bâtiment A. On voit passer le monde au travers. Je me suis assis sur la marche supérieure, le visage collé au barreau et je regarde passer les passants. Drôle de gens que ces gens-là. À bout, pour ma peine d'avoir beaucoup roulé, m'a offert une cigarette. Je fume en prenant soin de me souffler vers l'extérieur. Jean-Marie ne supporte pas la fumée, surtout que là, il fait du sport. Toujours il monte et il descend. De l'autre côté, sans arrêt, un flot incessant de détenus, de gardiens et d'autres s'y vont et viennent, dans un sens et dans l'autre. C'est tout bonnement incroyable combien ce souterrain est fréquenté. On se croirait dans le cœur des Halles. La plupart de ceux qui passent ne nous remarquent pas. Deux jeunes viendront nous demander une cigarette. Par habitude sûrement. Ils restent tous surpris quand Abou leur en donne une. Un troisième, mauvais coucheur, nous interpelle en nous traitant de pointeur. Ça doit se lire sur nos visages. Ça va, on est habitué. Ni même on lui répond. Il passe son chemin en grognant. De toute façon, il est seul, et on est trois, et il y a la grille qui nous sépare. On peut mettre les isolés, nous, sommes bien estampillés. Drôle d'isolement tout de même où on nous mêle en permanence avec les autres détenus. Dès que nous circulons, quand nous traversons le grand hall, dans les couloirs et les cages d'escalier. Nous sommes isolés et en même temps, toujours avec eux. Mais va, c'est peut-être mieux ainsi. Peut-on imaginer une prison seulement pour pointeurs? Au bout du compte, on finit par se croiser si souvent, qu'à la fin, tous, on s'y habitue. Je n'ai pas eu pour l'instant d'ennui majeur, et je suis blindé face aux insultes. Puisque c'est vrai, comme ils disent, nous sommes tous des pointeurs. Maintenant, j'ai suffisamment confiance en moi pour pouvoir me tenir bien droit, et le tout, c'est de toujours garder une certaine distance. Rester à plus d'un jet de pierre en l'occurrence. Ça fait déjà un bon moment que Jean-Marie et Abou m'ont quitté. L'un et puis l'autre sont partis, chacun de leur côté. Je suis seul à présent dans cette salle d'attente. Patience, patience, patience. Je sais bien que d'autres détenus, arrivés bien après, mais qui n'ont pas eu le privilège qu'on les enferme, ont dû passer avant moi au point d'accès au droit. Il est vraiment pas malin ce gardien de m'avoir bouclé là. Pourvu qu'il m'ait pas oublié. Heureusement, j'ai pris mon vademécum sous le bras, les trous noirs. Alors je lis et je ne m'ennuie pas. À midi et demi on vient enfin me chercher. L'entretien durera à peine un quart d'heure, même pas. Je n'y apprends rien. Je ne m'attarde pas. Je regagne mon étage en espérant ne pas être bloqué en chemin. Vivement que je sois en cellule. C'est l'heure de la gamelle et j'ai faim. Que va-t-on nous servir ?